Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Fadjet sur le 94.2 à Nancy. Bienvenue dans l'émission Grand Large, animée par les propédeutes, ce Clément qui vous parle et qui est très heureux. Je suis très très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour cette émission qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes très très heureux de l'animer sur Radio Fadjet. Alors j'ai avec moi Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Clément. Comment tu vas ? Ça va bien. Ben, je suis ravi. Damien, bonjour. Bonjour Clément. Comment vas-tu ? Ça va. Ben, ça me réjouit. Dimitri, bonjour. Bonjour Clément. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ben, tout le monde va très bien, c'est un bonheur. Alors ce matin, nous allons parler de jeunes saints, encore du bonheur, de jeunes personnes finalement qui ont aimé et servi le Seigneur et qui ont aimé et servi leurs prochains, les autres. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un saint ? Alors un saint, c'est quelqu'un qui a vécu avec amour et a offert un témoignage personnel dans ses occupations personnelles, là où il se trouve. L'Église va canoniser des personnes, c'est-à-dire les déclarer saintes, c'est le sens du mot canoniser. Cela signifie qu'on est sûr qu'elles sont dans la vie éternelle, en présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Alors pour canoniser quelqu'un, il y a un procès qui peut être assez long, hein, durer plusieurs années, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement il y a des étapes. On est peut-être d'abord serviteur de Dieu, puis vénérable, et ensuite bienheureux, et enfin, on peut être déclaré saint. Donc finalement, être saint, en soi, ce n'est pas très compliqué. Ça peut être difficile, mais pas compliqué. Nous allons le voir avec trois jeunes gens, qui sont décédés assez jeunes, mais qui ont toujours vécu dans l'amour de Dieu. La première de ces jeunes personnes, c'est avec Damien que nous allons la rencontrer, c'est bienheureux Isidore Bakanja, Damien. En effet, alors je vous propose de faire un petit bond au début du XXe siècle et de partir pour l'actuelle République démocratique du Congo. Alors à l'époque, dans l'actuelle République démocratique du Congo, la conférence de Berlin avait reconnu la souveraineté du roi des Belges, le roi Léopold II, sur ce qui deviendra plus tard l'État indépendant du Congo. Ainsi, la région a vu venir les missionnaires et puis des aventuriers qui sont venus principalement pour s'enrichir. Des exploitants venaient aussi pour ramasser, pour le compte du roi, les richesses du bassin congolais, qui était en fait le caoutchouc et l'ivoire principalement, afin de les exporter en Europe. Alors, je vous dresse un petit peu le contexte hein, où est né Isidore Bakanja. En 1885, il est né à Bokandela. Son père était agriculteur et il avait un frère aîné et une sœur cadette. La famille était païenne et dès son enfance, le jeune se montra exemplaire, principalement dans la docilité à ses parents. Alors, comme de nombreux jeunes de son village, Isidore Bakanja part à sa majorité travailler comme maçon dans la ville de Mbandaka. Dans cette ville, en fait, il découvre avec intérêt la foi chrétienne, qu'il approfondit, et il fait la rencontre d'une communauté de moines cisterciens. Et alors, il est impressionné également par un autre témoignage de chrétiens, par les missionnaires qui sont bons, qui sont dévoués auprès des malades et des indigents. Alors, par ces témoignages qu'il a reçus de chrétiens, il demande le baptême et il le reçoit. Ainsi, il devient chrétien. Et ensuite, il se fait lui-même apôtre auprès de ses amis et de ses compagnons de travail, les attirant par la parole et par l'exemple à la foi chrétienne. Quelques années plus tard, Isidore Bakanja accepte un nouveau poste de domestique à Buzira, dans la maison d'un surveillant d'une exploitation de caoutchouc et d'ivoire de la SAB, la Société Anonyme Belge. En dépit des avertissements de ses amis qui redoutaient les Européens, par leur comportement qui n'était pas un exemple. Alors là, le jeune est reconnu comme un ouvrier exemplaire. Il travaille consciencieusement. Et le gérant local de la SAB, Van Cotter, est connu pour sa dureté et son opposition farouche au christianisme et aux missionnaires chrétiens. Cependant, le jeune ne cache pas sa foi. Isidore Bakanja pratique sa foi, il prie, il est le seul chrétien et il ne peut pas garder pour lui seul la joie qui habite son cœur de connaître le Christ. Et donc, il en parle autour de lui. Donc, Van Cotter s'en aperçoit et lui interdit d'enseigner la prière à ses compagnons de travail. Et le 1er février 1909, son patron ordonne au bienheureux, quand il le sert à table, d'enlever son scapulaire. C'est une petite étoffe qu'on porte à même le corps, une petite étoffe religieuse qui symbolise le manteau de la Vierge Marie. Alors le jeune homme répond « Maître, tu exiges que j'enlève l'habit de la Sainte Vierge, je ne le ferai pas. En tant que chrétien, j'ai le droit de porter le scapulaire. » Alors furieux, le directeur ordonne qu'on le frappe de 25 coups de fouet de cuir. Alors Isidore vit l'injuste punition. Une enquête montrera d'ailleurs plus tard que le cas d'Isidore était loin d'être isolé, parce qu'une véritable persécution était organisée contre les missions catholiques par les cadres de la SAB. Le mot d'ordre était en fait d'interdire, par tous les moyens, les employés africains de porter sur eux un scapulaire ou un chapelet. Alors peu après, son patron, Van Cotter, ordonne à Isidore de ne plus répandre, je cite, « les ordures apprises chez les pères », puis arrachant le scapulaire du cou du jeune, il le jette à son chien. Ensuite, il va lui-même chercher un fouet en peau d'éléphant, muni de deux clous, et fait battre Isidore. Alors dans un premier temps, les employés chargés de la besogne ne veulent pas obéir à cet ordre complètement démesuré, mais sous la menace du même supplice, ils finissent par obtempérer, tandis que Van Cotter frappe Isidore à coups de pied. Pourtant, le jeune continue à manifester ouvertement sa foi et à se retirer pour prier. Alors un jour, Van Cotter l'aperçoit pendant une pause dans l'attitude de la prière. Énervé, Isidore reçoit de nombreux coups de fouet et ce patron lui arrache même la peau que le fouet a entamée. Donc il est ensuite entraîné, inconscient, jusqu'en prison où il reste pendant 4 jours, sans soins et sans nourriture. Alors au même moment, il y a un inspecteur de la SAB qui vient et donc le patron est pris de panique. Il fait transporter Isidore à Isako pour le dissimuler. Mais Isidore échappe à son bourreau et bientôt il est découvert par un Africain qui le conduit dans son propre village. C'est là qu'un géologue allemand employé par le SAB le trouve et tente de le soigner. Et je cite ce géologue qui a affirmé « Je vise un homme, témoignera donc ce docteur, le dos labouré de plaies profondes, ses dents de deux bâtons pour s'approcher de moi, rampant plutôt que marchant. » Mais l'infection qu'il a reçue, l'infection due au coup qu'il a reçu est devenue irréversible. Une septicémie se déclare et on conduit Isidore chez un cousin pour y recevoir des soins. Et le jeune pardonne à ses bourreaux et prie pour eux. Alors, je cite ce qu'il a dit. « Père, je ne suis pas fâché. Le blanc m'a frappé. C'est son affaire. Il doit savoir ce qu'il fait. Bien sûr, au ciel, je prierai pour lui. » Et le 15 août, les chrétiens du lieu où il était se sont réunis devant la maison où il était. Et Isidore, qui rayonnait de joie, est décédé en la fête de la Vierge Marie, l'Assomption de Marie, une grande fête le 15 août, avec donc cette étoffe, le scapulaire autour du cou. Alors le 24 avril 1994, pendant une assemblée des évêques qui se réunissaient pour évoquer le sujet de l'Afrique, le pape Jean-Paul II a béatifié Isidore, c'est Bakanja, c'est-à-dire qu'il l'a déclaré bienheureux, le rang avant d'être saint. Il a été proclamé le patron des laïcs de la République démocratique du Congo en 1999. C'est vraiment une histoire extrêmement touchante, finalement, Isidore Bakwandja. C'est vraiment une figure extrêmement touchante, finalement, et on en parle jamais. Oui, et surtout, c'est un saint qui est du continent africain. On parle souvent de saint européen, mais je pense que c'est important. Enfin, la sainteté, c'est universel. Exactement. C'est dans le monde entier. Et la sainteté universelle, c'est quelque chose qu'on va vouloir... Enfin, on veut l'annoncer au monde, quand même. Dire à tout le monde que la sainteté est universelle. Eh ben, dis-le au monde, c'est justement le titre de notre première chanson, la première pause musicale qu'on va prendre avec Glorious, le groupe lyonnais que maintenant presque tout le monde connaît, dans la chanson Dis-le au monde. On se retrouve juste après. Nous venons te donner, nous voici rassemblés, libres et jeunes devant toi. Brille nos vies sur terre, fais lever ta lumière, nous sommes unis dans la foi. Ici pour lever, lever, bouger, bouger, changer, changer nos vies. Ici pour louer, louer, danser, danser, donner, donner nos espoir, libre et jeune devant toi. Une seconde chance est donnée, dont l'esprit pardonné fait grandir en nous la foi. Ici pour lever, lever, bouger, bouger, changer, changer nos vies. Ici pour louer, louer, danser, danser, donner, donner nos vies. Pardonner chaque vie, chaque seconde. Son amour est donné, la vie a triomphé. Dans la foi, dis-le au monde. Ici pour lever, lever, bouger, bouger, changer, changer nos vies. Ici pour louer, louer, danser, danser, donner, donner nos vies. C'est toujours un grand bonheur de réentendre ce titre de Glorious qui m'a beaucoup plu moi, dans le passé quand j'étais un petit peu plus jeune, car en effet cette musique a quelques années maintenant, mais c'est toujours un grand bonheur de la réécouter. Vous êtes sur Radio Faget dans l'émission Grand Large. En ce dimanche matin, nous attaquons la deuxième partie de notre émission avec Dimitri qui va nous parler d'un jeune saint mexicain qui se nomme Saint José Sanchez del Rio, qui est mort à 14 ans. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. José Sanchez del Rio, né le 28 mars 1913 à Saguayo, au centre du Mexique. José a deux frères aînés, Macario et Miguel, ainsi qu'une petite sœur, Maria Luisa. La famille Del Rio, profondément catholique, est fortunée et jouit d'une bonne réputation. À 4 ans et demi, José reçoit le sacrement de confirmation. À la suite de la révolution de 1910, le Mexique se donne, en 1917, une nouvelle constitution. Celle-ci comporte plusieurs articles hostiles à l'Église qui sont appliqués dans certains États à partir de 1920. Pour se protéger des troubles, la famille Del Rio s'installe à Guadalajara, la capitale de l'État de Jalisco. C'est là que José fait sa première communion à l'âge de 9 ans. Il manifeste une grande dévotion envers Notre-Dame de Guadalupe, la patronne céleste du Mexique, et prie volontiers le chapelet. En 1924, Pultaro Cales, athée franc-maçon, est élu président au Mexique. L'année suivante, une église mexicaine schismatique est fondée par un prêtre avec le soutien du gouvernement. Le gouvernement leur interdit donc aux autres églises de célébrer la messe et de donner les sacrements, sous peine d'emprisonnement ou de mort, et les fidèles ne peuvent pas prier publiquement. En quelques mois, de nombreux catholiques sont assassinés ou mis en prison pour avoir enfreint ces interdictions. Cette violence provoque la colère, puis le soulèvement de milliers de personnes dans le pays. Deux petits groupes de combattants civils s'organisent, on leur donne le petit nom de Cristeros. À Guadalajara, un jeune avocat, Anacleto González Flores, enflamme la jeunesse chrétienne par sa parole vibrante. Consacré à la défense des plus faibles, il cherche, à la lumière de l'Évangile, à protéger les droits fondamentaux des chrétiens. Cruellement assassiné le 1er avril 1927, à l'âge de 38 ans, il tombe en criant « Je meurs, mais Dieu ne meurt pas, vive le Christ roi !» Après l'assassinat d'Anacleto, les deux frères aînés de José rejoignent le soulèvement des Cristeros sous le commandement du général Ramirez, qui opère dans la région de Suayo. La même année, donc en 1927, la famille Del Rio revient à Suayo, où les Cristeros sont soutenus par la population. Les familles aisées aident ceux-ci financièrement et leur fournissent armes et vivres. Des prêtres se dévouent au péril de leur vie pour leur apporter le secours des sacrements. José manifeste lui aussi le désir de donner sa vie pour la bonne cause. N'ayant pas atteint l'âge requis pour suivre le chemin de ses frères, il sollicite tout de même son admission auprès des Cristeros, mais ses parents s'y opposent fermement. Au fil des mois, l'assistance de José à s'engager ne faiblit pas. Sa mère refuse toujours, le considérant comme trop jeune. Mais elle répond avec une grande simplicité « Maman, il n'a jamais été aussi facile de gagner le ciel qu'aujourd'hui. » Aucune raison n'est assez forte pour le détourner de son projet. Il écrit alors au chef Cristeros pour solliciter son admission. Les refus qu'il reçoit, il n'a que 14 ans, ne font qu'augmenter sa ténacité jusqu'à ce qu'il obtienne le consentement et la bénédiction de son père. Il est donc recruté et finit par être capturé. Sachant qu'il est en possession d'un grand nombre d'informations sur les Cristeros, ses geôliers lui écorchent la plante des pieds pour essayer de lui arracher les noms. Mais le Seigneur lui donne sa force et José ne dénonce personne. À 23 heures, on le conduit au cimetière, l'obligeant à marcher les pieds nus. L'enfant pleure de douleur, les bourreaux veulent le faire apostasier et ils le fouettent, mais en vain, avec des branches de buissons épineux. José crie de toutes ses forces et sans discontinuer, « Vive le Christ roi !» et Sainte Marie de Guadalupe. Des témoins cachés assistent à une profonde admiration à cette scène et prient pour lui. On lui promet de le laisser libre s'il consent à dire « Vive le gouverneur !» En guise de réponse, José se met à chanter « au ciel, je veux aller au ciel !» Pour le faire taire, c'est un soldat qui lui administre un coup de crosse qui lui fracasse la mâchoire. Au bord de la fosse, José continue pourtant à crier sans relâche « Vive le Christ roi !» Les soldats le poignardent et à chaque coup, avec une voix de plus en plus faible, l'enfant continue de confesser sa foi. L'officier lui demande avec un ton cruel « Veux-tu envoyer un message à ton père ?»« Nous nous reverrons au ciel, » répond José dans un souffle. « Vive le Christ roi ! Vive Sainte Marie de Guadalupe !»« Ah, quel fanatique !» s'écrie le militaire qui sort son pistolet et lui tire une balle de la nuque. José n'a pas encore 15 ans. Reçoit la palme du martyr ce vendredi soir 10 février 1928 à 11h30. Les chrétiens recueillent son corps, le lavent, l'enveloppent des droits, et après avoir rendu le dernier hommage, l'ensevelissent à même la terre. Voilà, un petit peu l'histoire de Monsieur José Sanchez del Rio. C'est vraiment touchant, c'est vraiment tout jeune garçon. Et effectivement, pour cet âge-là, quel courage. Quel courage, la folie de certains hommes. Eh bien, peut-être pour notre folie, parfois nous aussi, nous pouvons demander pardon et demander pardon aux autres. Et nous allons donc faire une deuxième petite pause musicale avec Julie Elias et son titre Forgive Me, qui signifie Pardonne-moi en anglais. Voilà, très beau titre de l'américaine Julie Elias, qui est évangélique, mais un petit peu œcuménisme, ça fait pas de mal. Voilà, nous allons retrouver une dernière figure sainte, avec peut-être plus connue que les deux précédentes, Sainte Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, dont son nom complet Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, avec Aurélien, le local. Et oui, tout à fait, donc j'ai choisi cette sainte... Parce que, effectivement, pour moi qui suis normand, c'est une sainte locale. Parce que Lisieux étant en plein cœur de la Normandie, ça me paraissait tout indiqué pour ce sujet de choisir Sainte Thérèse que l'on connaît. Et que l'on va mieux connaître après le récit que je vais vous narrer. Alors, la petite Thérèse, elle est née le 2 janvier 1873. Elle est née à Alençon. Donc ensuite... Elle est née dans une famille, c'est la quatrième fille. Et puis, elle va avoir un petit souci, c'est que quand elle a 4 ans, en 1877, sa mère, elle décède des suites d'un cancer du sein. C'est quelque chose de terrible qui arrive, ça dévaste littéralement la famille. Donc la petite Thérèse va se raccrocher à une de ses sœurs pour continuer à avancer. Donc l'enfance est difficile et puis elle a pas de chance parce que en 1883, le 13 mai, elle tombe malade Et puis, est guéri. Et est guéri par n'importe comment, est guéri par le sourire de la Vierge qui lui apparaît. Et c'est une guérison qui est qualifiée de miraculeuse pour l'époque, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis la petite Thérèse grandit, et puis sa foi s'affermit, elle veut entrer au Carmel, c'est vraiment son désir. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Le problème c'est qu'elle n'a pas tout à fait l'âge. Donc du coup en 1887, elle part en pèlerinage en Italie, accompagnée de son père pour demander au Saint-Père, le pape Léon XIII, d'entrer au Carmel malgré son jeune âge. Le pape refusera. Il lui dira non, tu vas attendre pendant un an. Est-ce qu'elle a fait? Donc en 1888, elle pointe au Carmel de Lisieux. Elle est admise. Et donc du coup, bah, elle porte l'habit de carmélite. Et puis elle prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc ensuite, elle va commencer à faire pas mal d'écrits. Donc elle travaille plutôt bien. Elle est remarquée par la mère supérieure. Et puis, elle va avoir un petit problème, c'est qu'en 1897, elle attrape la tuberculose et meurt. Parce que la maladie, c'est difficile à guérir avec la prière. Donc, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'histoire est remontée au Vatican. Et puis, en 1925, le pape Pie XI la canonise, la déclare bienheureuse, puis ensuite la canonise. Donc ça va être quelque chose d'assez important. Et puis, comment ? En 1997, au centenaire de sa mort, le pape Jean-Paul II la proclame docteur de l'Église. Et puis elle avait déjà été déclarée sainte patronne des missions et sainte patronne secondaire de la France. C'était Pie XII qui avait fait ça en 1944. Très beau cursus. Et oui, en effet. Donc voilà un petit peu pour la petite Thérèse. Donc c'est vraiment une vie assez courte, mais vraiment très très intense. Et oui, parce que c'est à 24 ans qu'elle est décédée, donc c'est assez jeune. Exactement. Alors voilà, personne ne la connaissait lorsqu'elle est morte, et puis finalement son autobiographie a été un grand succès. Voilà. Elle est donc patronne des missions, tu nous as dit. Et justement, avec le groupe français Unité, nous allons écouter Disciples missionnaires. Sur Radio Fadjet. Acclamez l'amour du crucifié, annoncez Jésus ressuscité, proclamez qu'il nous envoie l'Esprit, témoignez de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur. Disciples missionnaires, disciples missionnaires, donne-nous une âme. Disciples missionnaires. Acclamez Jésus notre Sauveur, annoncez son amour et vainqueur, proclamez l'évangile du Seigneur, témoignez qu'il transforme nos cœurs. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous Seigneur des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu. Disciples C'est une belle musique, une belle chanson qui donne vraiment envie d'être disciple missionnaire, d'annoncer finalement ce qui nous fait vivre. Alors, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute sur ce dimanche matin. Je remercie Damien de nous avoir partagé, un peu avec nous. Merci à vous, Clément. Voilà. Je remercie Aurélien. Merci à toi, Clément. Et je remercie également Dimitri. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon dimanche. Si vous êtes sur la route, soyez prudents. Et on vous dit à très bientôt sur Radio Fadiette.